plein d'odeurs légères. Des divans profonds comme des tombeaux. Et d'étranges fleurs sur des étagères. Écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usons à l'envi leur chaleur dernière. Nos deux cœurs seront de vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière. Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot tout chargé d'adieu. Et plus tard un ange en trouvant les portes viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères, écloses pour nous sous des yeux plus beaux.